Bonjour chers cinéphiles, on se retrouve toujours pour parler de cinéma. Alors là, on va parler d'un film un peu spécial, on peut le dire. Salut Aurore. Bonjour. C'est vrai que j'enchaîne tout de suite parce que c'est vrai que le film est assez particulier puisqu'on va parler d'un film de Quentin Dupieux qui a fait l'ouverture du 77e Festival de Cannes. Donc pour l'histoire, c'est Florence qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Alors, comme à son habitude, Quentin Dupieux nous pond un synopsis voilà, simple, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi y comprendre. On retrouve, comme dans ses précédents films, un casting de haute volée, 5 étoiles, parce qu'on a Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard, qui avait déjà joué dans les précédents films du réalisateur, notamment Yannick, où il avait la tête d'affiche. Alors toi, Aurore, je crois que c'est ton premier Quentin Dupieux, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais. Alors j'avais entendu d'autres films, notamment c'est Fumer fait tousser, oui, c'est ça? Oui, exactement, oui. Ouais. Effectivement, où j'avais vu la bande-annonce avec Alain Chabat, notamment. Et j'avais été un petit peu sceptique, et ça ne m'avait pas forcément donné envie de regarder. Et quand je suis allée voir, du coup, deuxième acte, j'avais pas vu de bande-annonce, pas lu le synopsis, rien. Juste, j'y suis allée, je me suis dit, c'est un Quentin Dupieux, il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, allons-y. Il y a un casting 5 étoiles, je me suis dit, allons-y. Mais voilà. Donc, en effet, Quentin Dupieux, qui fait aussi de la chanson, parce que c'est Monsieur Oiseau aussi, O-I-Z-O, un peu électro, il touche un petit peu à tout. Alors lui, c'est un réalisateur qui est un peu sorti de nulle part il y a quelques années. Il est arrivé sur le devant de la scène avec des films, mais abracadabrantesques, je vais y arriver. Absurde, clairement, c'est son style de film. Humour noir, au début avec des acteurs peu connus, et au fur et à mesure de ses films, des acteurs de plus en plus connus, courte durée à chaque fois. Les films durent pas plus d'une heure 20, généralement. Donc ça se regarde très bien. Et c'est principalement des comédies. Là encore, enfin des comédies. C'est pas forcément des comédies où on rit aux éclats, mais en tout cas, voilà, son genre principal, c'est la comédie. Et donc là, en effet, il fait pour la première fois l'ouverture du Festival de Cannes, donc c'est pas rien, parce que ça montre aussi une certaine reconnaissance pour le réalisateur, parce que mine de rien, il en est à 10-15 films déjà, il en sort presque un par an, voire deux même parfois. Ouais. Donc il a une cadence de sortie infernale, on ne l'arrête pas. Donc avant que je donne un petit peu mon avis, comme c'est ton premier Quentin Dupieux, Aurore, je vais t'essayer la primeur de me dire ce que tu en as pensé. Alors, j'y suis allée avec un ami pour aller le voir et... on est sorti du film et on s'est regardé, on a fait, on n'a pas compris. vraiment tout le long du film, en fait, on était là en mode quoi, mais pourquoi, enfin, on a sur le jeu des acteurs, pourquoi ce jeu-là aussi, dans certains moments très très mal joué, on avait l'impression qu'ils avaient littéralement un prompteur devant eux et qu'ils lisaient le texte. Tu te moques de moi, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. Il y a toute une réflexion. Enfin, je pensais qu'il allait avoir, quand ils abordent l'intelligence artificielle, je pensais vraiment qu'il allait avoir toute une réflexion à propos de ça, à propos de la place de l'intelligence artificielle, notamment dans le monde artistique audiovisuel. Notamment, il n'y a pas longtemps, cette semaine ou la semaine dernière, il y a les doubleurs qui ont sorti une vidéo parlant de l'intelligence artificielle qui allait remplacer leur métier. Voilà, je m'attendais à ça. Quand ils l'ont abordé, au final, c'est pratiquement à la fin du film, c'est dans les 20 dernières minutes, donc au final, non. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment à avoir un message, et j'ai pas eu le message. Après, il y a tout le message que Louis Garrel fait, toute la réflexion qu'il fait sur le fait que la réalité est de la fiction est la réalité. Et du coup, quand on analyse le film sur... parce que c'est vraiment une mise en abîme. Donc on a un film qui est joué avec des acteurs qui se disputent dans les scènes. Et en fait, ces disputes-là font pas partie d'un film écrit par l'intelligence artificielle. Donc c'est un film dans un film. Et après, il y a une partie de la vraie vie. Et donc du coup, la vraie vie serait la première fiction. la partie où ils se disputent entre les scènes serait la deuxième fiction, et la partie vraiment film dans le film serait la réalité. Mais du coup, on ne voit, enfin, moi je trouve, on ne voit pas le point de pourquoi, en fait. Et oui, ça fait sens, du coup, avec un peu leur jeu, où si on inverse, parce que la lorsqu'ils sont dans la réalité, donc ils sortent totalement du tournage, ils jouent plutôt très mal. La deuxième, après, quand ils sont entre les prises, ils jouent aussi, c'est forcé, mais c'est un peu moins pire qu'à la fin. Et quand ils sont totalement normaux, et du coup, on va considérer qu'ils jouent très bien, dans la partie film du film. On s'y perd un peu, mais voilà. Mais par contre, si je peux relever les performances des acteurs, c'est vraiment impressionnant, tous ces plans-séquences. Alors, ils marchent pendant les trois quarts du film, mais ils débitent énormément, ils font que parler, et ça, c'est vraiment absolument impressionnant, et on se perd même dans quand ils jouent, quand ils jouent pas, et c'est vraiment pas évident, voilà, de faire ces plans-séquences-là, vraiment, c'est juste un travelling où ils marchent, et ils débitent leur texte, et ça, c'est vraiment impressionnant. Si je peux reconnaître la performance, malgré l'histoire où moi, oui, effectivement, ça m'a un peu perdu, mais voilà. Bon, bah ça va, déjà, en effet, bon, t'as été perdu, mais en même temps, voilà, t'as en effet compris l'essentiel. En effet, il y a Quentin Dupieux veut amener le spectateur à finalement réfléchir sur la fracture qui peut exister entre, en effet, la réalité et la fiction, et il l'amène d'un point de vue cinématographique, justement, par le biais d'acteurs, puisque c'est vrai que quand on est acteur, bah souvent, c'est confondant, hein, la réalité et la fiction. On peut à la fois se prendre en jeu dans la vie réelle et inversement. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Alors c'est vrai que quand on regarde Dupieux, faut se laisser porter, hein. Oui. Faut pas non plus, je pense, chercher toutes les réponses aux questions. Aussi, je pense qu'en effet, là, il a vraiment voulu montrer le métier d'acteur, comment en tant qu'acteur on pouvait être et réagir peut-être lors d'un tournage, par exemple. Comment ça pouvait aussi affecter l'acteur lui-même. Et c'est là où je trouve que le film est intelligent, parce qu'on pourrait penser que le film est bête comme chou, et voilà, c'est vraiment trop absurde pour comprendre quoi que ce soit, c'est qu'il amène justement, tu parlais de l'intelligence artificielle, mais il amène d'autres sujets de société et d'actualité. Il évoque un peu l'homosexualité, notamment, le racisme aussi. Je crois qu'il y a d'autres sujets aussi. La précarité aussi des acteurs, des figurants surtout, qui, c'est pas évident de tourner dans des films, de trouver des rôles, etc. Et puis. D'être accepté dans ce monde-là aussi. Oui, bien sûr. Et puis aussi, y a aussi l'idée d'avoir la grosse tête ou pas. On le voit bien aussi à travers certains personnages. Donc, Merci. Oui, c'est ça. Je cherche. Avec Louis Garrel et Léa. Exact, oui. Donc, en fait, il y a plein de. C'était Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, oui, exactement. Donc, c'est vrai que. Et puis, c'est intéressant parce que, du coup, dans le film, on a donc Vincent Lindon qui joue un peu l'acteur majeur qui est à l'apogée de son art, de la tête d'affiche, oui, en effet. Et derrière, on a Louis Garrel qui est pas à son niveau, mais pas loin, et on a un peu plus loin Léa Seydoux et surtout Raphaël Quenard qui est un peu le nouveau arrivant, qui démarre. Et il y a quand même aussi un cinquième acteur qui a le rôle d'un figurant, mais qui a un rôle aussi un peu important dans le film, mine de rien. Oui, le barman, oui. Ouais. Donc, je pense qu'en effet, après, il y a peut-être une analyse encore plus poussée à faire, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment montrer un peu la condition d'acteur au travers de sujets de société et montrer qu'on peut, en tant qu'acteur ou pas, se confondre entre la réalité et la fiction. Et comme tu le soulignais, il utilise une technique de plan 50, c'est incroyable. Les acteurs, d'ailleurs, l'avaient dit, j'avais lu une interview de Léa Seydoux qui disait « Aïe, alors, avec Quentin Dupieux, le texte, tu dois l'apprendre, hein, et puis t'as de quoi faire. Hein, » Parce que là, en effet, il débite. Il débite, et puis il change de jeu sur le même plan séquence, parce qu'effectivement, il passe de scène où il parle et où il joue en fait dans le film, qu'on comprend qu'en fait c'est un film dans un film, mais ils alternent entre les deux et des fois on est un peu perdu de quand est-ce qu'il joue, quand est-ce qu'il joue pas, et ça c'est vraiment impressionnant. Effectivement, et c'est j'ai juste pas compris, tu m'aideras à expliquer, mais ouais. Pourquoi genre les 5 dernières minutes du film, c'est vraiment un travelling sur une rail de travelling. Et ça, je mets vraiment tout le film, j'étais en mode, wow, c'est absurde, ok. Mais alors, mais vraiment, à la fin, je me dis, oui, bon, on peut pas aller plus absurde que ça. Et en fait, s'il le fait, il nous fait un plan séquence, un travelling sur un rail de travelling. Bah, ça fait certainement écho à ce que t'as dit précédemment, hein, que le film, finalement, est un plus ou moins long plan séquence, fait simplement sur un travelling. Je pense qu'il a voulu montrer, entre guillemets, l'envers du décor. Il pousse encore le truc plus loin, au-delà de montrer la partie visible avec les acteurs, bah, il montre la partie cachée avec ce travelling. Mais c'est vrai que voilà, tout est confondant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les dialogues, en effet. Je trouve que c'est finement écrit, voilà, c'est pas fait à la va-vite. Et puis, je pense que voilà, c'est à la fois bien joué, mal joué, mais je pense que c'est volontaire. Oui. Et si je pense que c'est au contraire, je pense que c'est incroyable parce que clairement, t'as 4 très bons acteurs. C'est ça. Donc bon. Et puis, le côté absurde aussi est rajouté. Enfin, à la fin, quand on voit Vincent Lindon mettre la moustache, on fait pourquoi ? et c'est effectivement quand on a eu cette réflexion de. On a un peu l'explication du film quand même. Pour moi, ce serait le seul message qu'on ait enfin, un des principaux messages, en tout cas, le but de ce film, c'est ça. C'est effectivement la phrase de Louis Garrel qui nous donne l'explication du film. Enfin, j'espère que c'est ça. Sinon, j'ai vraiment pas compris. Mais du coup, ça expliquerait bien et ça relierait bien avec le fait de pourquoi il met la moustache, du fait, de différentes choses où après, ouais, bah clairement, je pense que, comme tu dis, à la fin, Louis Garrel raccroche les wagons et finalement, les acteurs se moquent même d'eux-mêmes, je pense aussi. Il y a cette notion-là. Et finalement, c'est ton premier film de Quentin Dupieux. J'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être l'un des moins absurdes. Alors, accroche-toi pour les autres. Et lui, il va plus sur l'humour un peu noir quand même. Oui. Parce que avec les sujets qu'il aborde et la façon dont c'est abordé, parfois c'est sur le fil. Mais en tout cas, moi qui ai vu des Dupieux, alors c'est vrai que j'ai pas vu ses plus absurdes. J'avais vu Yannick, notamment. J'avais vu Rubber. Alors celui-ci, il était spécial. C'était un de ses premiers films et tout. Et j'avais vu Dali aussi. Ouais. Mais... si en tout cas ce film t'a intéressé ou du moins t'a fait réfléchir à pas mal de choses, t'as un peu ça a torturé ton esprit. C'est ça. Je pense qu'il faut regarder plus de sa filmographie pour mieux comprendre. Ouais, oui. Pour comprendre vraiment des réalisateurs comme ça, cette gradation qu'il y a dans ses films en fait. C'est un peu comme, enfin, je vais peut-être donner un très mauvais exemple, mais c'est un peu comme du Wes Anderson. Si on connaît pas sa filmographie, on comprend pas ses films en fait. Si on regarde juste, je sais pas. Le Grand Budapest Hotel et qu'on regarde Mr. Fantastic Fox ou Asteroid City, etc. Si on les regarde tous indépendamment ou qu'on n'en regarde qu'un seul et qu'on les regarde tous, on va mieux comprendre sa manière de fonctionner, sa mise en scène, son comment il fonctionne, comment il réfléchit. Mais après, voilà, c'est comme beaucoup de réalisateurs, hein, c'est comme la plupart des grands réalisateurs, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas voir... C'est rare un réalisateur où il suffit de voir un film et comprendre son travail. Oui, ça c'est sûr. Et lui, il a une vraie œuvre et il cherche à toucher un plus large public parce que vraiment, ses premiers films, c'était pour une niche. D'ailleurs, si tu regardes, ils ont fait très peu d'entrées. Et là, je crois que Dali a été son film qui a fait le plus d'entrées. Alors, je crois qu'il a fait au moins 500 000 entrées, ce qui est énorme en fait pour lui parce qu'il fait des films à très très petit budget. Il les réalise assez rapidement, quelques jours et tout, donc pour lui le fait d'avoir il y a très peu d'acteurs, la mise en scène, enfin là voilà, hein, trois quarts du film il marche, il faut juste une grande route. C'est très très épuré effectivement. C'est un réalisateur de cinéma d'auteur, hein, tout simplement. Exactement. Effectivement, ça fait partie d'une niche, c'est pas pour tout le monde, il faut effectivement s'accrocher et supporter de regarder ce genre de film. Ouais. Mais je trouve c'est vraiment ce type de film, ce type de réalisateur qu'on regarde pas dans son salon. Oui. On va le regarder au cinéma, il faut aller au cinéma, il faut y aller parce que enfin franchement, très vite on va dériver sur le téléphone, très vite on va changer de film, on va pas le regarder jusqu'au bout et ce qui est très dommage. Ça reste quand même des films extrêmement intéressants, des réalisateurs extrêmement intéressants, mais effectivement, il faut les voir dans une ambiance où ils propice à regarder ce genre de Ah bah oui, de ça c'est certain. C'est pour ça que le Festival de Cannes, je pense que c'est l'environnement le plus propice. C'est là où la plupart des réalisateurs de cinéma d'auteur sont rassemblés. Hein. Voilà, tous les films un peu effectivement propices à être regardés dans une salle de cinéma sont présents. Et, mais effectivement, c'est... Voilà, donc une belle découverte en tout cas. Non, bon, c'est vrai. Bah très bien. Donc si comme Aurore, voilà, vous n'avez jamais vu un Quentin Dupieux, on ne peut que vous encourager à aller voir le deuxième acte. Je pourrais juste rajouter, personnellement, moi le dernier film que j'ai vu de Léa Seydoux, il y avait Dune, mais l'avant, c'était France. Ah oui. Et son jeu d'acteur dans France aussi est assez très spécial. Et vraiment, avant les deux films-là, je me suis dit, mais elle s'est jouée que comme ça, c'est pas possible. Je commençais à avoir des doutes sur l'actrice, je me suis dit, mais pourquoi? C'est vrai, belle comparaison. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à aller découvrir ou redécouvrir le cinéma de Quentin Dupieux avec donc le deuxième acte qui est bien évidemment encore à l'affiche et qui, je vous rappelle, a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Comme à chaque fois, Aurore revient sur un fait étonnant, surprenant dans un film qu'on n'a pas forcément vu, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde un film, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Donc là, tu vas nous parler d'Inception, c'est bien cela ? C'est ça. Yes. Alors, quel fait étonnant as-tu vu ? Parce que c'est un film, je pense qu'il y a beaucoup de fun facts, à mon avis. Il y en a donc beaucoup. Tu t'es arrêté sur quoi, là ? Si je ne me trompe pas, j'en avais déjà fait. C'est bien possible. Ouais. Je me suis arrêté sur les noms des personnages. Ah, ok. Voilà. Si on prend les premières lettres des six principaux personnages, donc Dom, Robert, Ems, Arthur, Mal et Saito, ça fait Dreams. Oh, voilà, ah oui. Les initiales. Et si on rajoute Peter, Ariane, Youssouf, ça fait Dream Pays. Et étant donné que c'est ce qu'ils font, voilà, c'est leur job en fait. Ils sont ils voyagent dans les rêves et c'est leur principal job, et bah ça fait sens à tout le film. Ah, il raccroche tout, Christopher Nolan, voilà. Il est incroyable. Très bien, écoute, merci Aurore pour ce fun fact. Alors, dans les prochaines semaines, là, on arrive pas loin de l'été, hein, mine de rien. Donc, en juin, là, il va y avoir pas mal de sorties de films. Donc, on va vous dire un petit peu quel film nous hype dans les prochaines semaines. Alors, donc au mois de juin, toi Aurore, je crois qu'il y a un film, même un film d'animation, et je pense que tu n'es pas la seule, hein, bien évidemment, qui te hype fortement. Alors, quel est-il ? Alors, il sort le 19 juin. Oui. C'est un film Disney-Pixar, et c'est Vice Versa 2. Ah, bah oui, forcément, on l'attend avec impatience. Le 1 était très sympathique. Oui. On a toujours peur des suites, surtout chez les Disney en ce moment qui sont pas, voilà. Après, effectivement, donc, alors, le synopsis, donc, Riley est donc la personnage principale, est désormais adolescente, et donc ça va déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général, donc dans son cerveau, là où il y a l'ensemble des émotions, et donc on va avoir la vie arrivée de nouvelles émotions, notamment anxiété, on n'en sait pas plus, les trailers ne nous ont donné pas plus d'informations. Mais voilà, on va découvrir de nouvelles émotions, en plus de joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui sont celles de base qu'on connaît plutôt bien. Très bien, donc oui, je pense que le film est attendu au tournant, Vice-Versa, le premier a cartonné, mais en même temps, c'est normal, il était vraiment incroyable. Ouais. Il est peut-être bien sorti il y a 10 ans maintenant. Peut-être pas, à peine. Oh, ça me rajeunit non pas, là. Plus que ça ? Non, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est sorti il y a au moins plus de 5 ans, je pense. Ouais, le premier. Non, mais en tout cas, écoute, 19 juin, un peu avant l'été, je pense que là, on l'attend avec impatience. Moi, je change, on va dire, de registre. 2015, juste pour. Ah, bah tu vois, 2015, bah, tu vois, 9 ans. 9 ans, tu vois, j'étais pas loin. Alors moi, je change de registre. Cet été, la franchise Bad Boys est de retour avec bon son mélange iconique d'action explosive et d'humour irrévérencieux. Mais cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Donc ça se retourne entre guillemets un peu contre eux. Ils ont relancé la franchise pareil après de longues années parce que Bad Boys 1 et 2 c'est sorti il y a au moins 20 ans, je dirais, facile. Il y a quoi, il y a 2 ans peut-être bien, ils ont relancé la franchise avec Bad Boys for Life. Et là, il y a une suite vraiment directe, hein, parce que au vu de la bande-annonce, c'est vrai, ce quatrième opus, c'est vraiment dans la continuité du troisième. Donc si vous n'avez pas vu le troisième, j'encourage à le voir pour comprendre, je pense, les enjeux qu'il va y avoir dans le quatrième. Donc là, ça s'appelle Ride or Die. Donc bon, comme à leur habitude, Will Smith et Marty Lawrence campent des flics qui vont tout faire pour défendre la veuve et l'orphelin, sauver a priori leur réputation, parce que là, en l'occurrence, ce sont eux qui sont recherchés. Bon, l'histoire en elle-même, je pense que voilà, ça va être plus du classique de chez classique. Comédie, blockbuster américaine. Voilà, c'est ça, buddy movie américain, tout ce qui est plus classique. Mais clairement, moi, je les ai tous vus, les Bad Boys. Je suis plutôt client. Ça passe bien. Ça détend. Et en plus, les premiers, c'était Michael Bay qui avait réalisé les Bad Boys. Là, c'est les frais, c'est deux réalisateurs, Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui sont aux manettes. Franchement, ils avaient bien lancé la franchise. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais si c'est aussi explosif que le troisième, je me dis pourquoi pas. Donc, ça sort le 5 juin prochain. En tout cas, merci Aurore pour cet échange cinématographique, c'est toujours un grand plaisir. Donc je vous le rappelle, deuxième acte de Quentin Dupieux, voilà, c'est notre coup de cœur de ce mois-ci. Et puis on se retrouve prochainement pour parler de cinéma, bien évidemment. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.